Monsieur est toujours d'amour. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Monsieur est d'amour nuit et jour. Moi, je ne sais pas. Non pas pourquoi. Monsieur a-t-il peur de l'amour? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Monsieur n'exige rien en retour. Moi, je ne sais pas. Rire. Monsieur, serait-il orgueilleux? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Monsieur, pour vous, est-ce mystérieux? Moi, je ne sais pas. Ta ta ta. Monsieur, excelle en lutte et cours. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Monsieur n'éprouve aucun remords. Moi, je ne sais pas ce qu'il adviendra. Monsieur adore être blessé. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Monsieur, être aussi détesté, fuirait-il la félicité? Monsieur adore aussi bander. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Monsieur exerce en vanité. Mais je n'aime pas ce qu'il montre là. Après tout, c'est la liberté. Ou je ne sais pas. Ou je ne sais pas. Se croirait-il immunisé? Sur ce, qui vivra verra. Monsieur déteste mes sentiments. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Monsieur ne veut être qu'amant, fuir l'amour, comme le vent. Monsieur, serait-il trompé? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Monsieur, j'ai peur de tomber, de cet amour qui serait. Monsieur, vous n'êtes que prétention. Moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Allez donc aimer les garçons, si le sexe est votre passion. Faire une excuse? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne serai pas votre muse. N'y comptez pas, n'y comptez pas. Alors, au revoir et adieu. N'est-ce peut-être après tout qu'un jeu? Et je ne sais pas ce qu'il adviendra.